répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Brigadier, vous avez raison. Brigadier, vous avez raison. 11 heures. T'as pas vu le brigadier ? Tu ne sais donc rien ? Non, j'arrive, j'étais à Cheverny depuis hier soir. Une histoire de Romanichel pas intéressante du tout. Mais pourquoi, il y a quelque chose à savoir ? Plutôt, le brigadier. Oui. Il n'est pas rentré de la nuit. Mais ne me dis pas ça ! Ah, je te le dis ! Pas rentré de la nuit ! Guéritaine, Trébizou et moi l'avons cherché partout, dans la forêt, dans le pays et même dans l'étang, sans le retrouver. Oh. Eh ben, mon vieux ! Que les assassins disparaissent, bon ! Mais les gendarmes ! Lioré, à ton avis ? À ton avis, pourquoi a-t-il découché ? Parce qu'il avait des ennuis. Et pourquoi il avait des ennuis ? Parce qu'il n'y comprenait plus rien. Et pourquoi il n'y comprenait plus rien ? Parce que toutes les femmes s'évanouissaient, sauf la sienne. Et pourquoi toutes les femmes s'évanouissaient, sauf la sienne ? Parce que la sienne se croyait coupable. Et pourquoi la sienne se croyait coupable ? Parce qu'elle était avec le comte au chêne travers. Voilà. Et pourquoi elle est avec le comte au chêne travers ? Parce qu'il lui avait écrit pour lui donner rendez-vous. Et pourquoi il lui avait écrit pour lui donner rendez-vous ? Pour la faire chanter ! Ah, bon. Et pourquoi il voulait la faire chanter ? Parce qu'il savait des choses sur elle. Et pourquoi il savait des choses sur elle ? Parce qu'il voulait lui foutre une croix sur son carnet. Oh, bah alors là, évidemment, hein. Ça explique pas pourquoi le brigadier l'a arrêté. Parce qu'elle a dit que c'était elle l'assassin. Et pourquoi elle a dit que c'était l'assassin ? Parce qu'elle le croyait. Et pourquoi elle le croyait ? Parce que le comte ne bougeait plus. Et pourquoi le comte ne bougeait plus ? Parce qu'elle l'avait poussé contre l'arbre de toutes ses forces. Et pourquoi elle l'avait poussé contre l'arbre de toutes ses forces ? Parce qu'elle était furieuse. Et pourquoi elle était furieuse ? Parce qu'il voulait lui foutre une croix sur son carnet. Alors là, évidemment. Ça, évidemment. Ça explique pas pourquoi le brigadier l'a relâchée. Parce qu'elle n'est pas coupable. Et pourquoi elle n'est pas coupable ? Parce que le comte a encore fait 50 mètres après qu'il l'a eu tuée. Tac, tac, tac, touché. Que voulez-vous, Tabaron ? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Après tout, il n'y a pas de honte à être innocent. En somme, vous m'étiez vanté. Voilà. La comtesse et moi, nous l'avons pourtant bien cru mort. Il ne l'était pas. En papas encore. J'espère que tu as compris. Non, j'ai rien compris du tout. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Mais d'abord, comment est-ce qu'il pouvait vous faire chanter, vous ? Ça, ce n'est pas intéressant. Ah bon ? Non. Oh, remarquez, je crois que je sais pourquoi. Vraiment ? Oui, ça doit être parce qu'il vous trouvait plaisante physiquement. Oui, il me trouvait en effet très plaisante physiquement. J'ai d'abord essayé de gagner du temps. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était prendre tout de suite à la con. Pardi. Tant que c'était de la conversation, je te veux, je t'aurais, je laissais aller. Avec les bavards, on se débrouille toujours. Mais subitement, il a pris le genre sourd-muet. Il s'est mis à me parler avec les mains. Ils en avaient des choses à me dire. Alors j'ai agi. Un coup de coude dans les gencives. Un coup de genou. Dans l'estomac. Je l'ai envoyé dans l'arbre. Il s'est éteint comme une chandelle. Comme une chandelle ? Comme une chandelle. Et le comble, c'est qu'il m'a traité de salope. Ah, vous n'avez pas essayé de le ranimer ? Le ranimer pour qu'il reprenne la conversation avec mes jeunes. J'avais pas pensé à ça. Je le crois mort. Je le file ventre à terre. Bon, la comtesse survient, elle prend ses désirs pour des réalités et va annoncer la nouvelle à Lecoq. Bon, c'est maintenant que ça se complique. Oh, ben alors. Lecoq arrive sur les lieux. L'état des lieux. Il retrouve le comte à quelques pas de là, avec une blessure que je ne lui avais pas faite. Allez donc chercher à comprendre. J'ai réfléchi et voilà ce qui a dû se passer. Le comte n'est pas un homme à évanouissement. Il suffit de lire son carnet pour s'en rendre compte. Oui. Au bout d'un quart d'heure, Il se secoue un peu, il se lève et il s'engage dans le chemin de Malaga. Oh. Là, il rencontre quelqu'un. Qui ? Sébastien ! Mettons X, c'est plus sûr. Oui. Ils se disent leurs quatre vérités. Hector n'a pas son fusil. X a le sien. Oh, je vais trop vite. Je peux pas me suivre. Oh. Et alors ? Alors, le comte dit à Montreux, comme d'habitude, X voit rouge. Il lui assène un beau coup de crosse sur la tête. Et le comte meurt pour la deuxième fois. C'est sûrement ce qui s'est passé. C'est sûrement ça. En tout cas, le brigadier a dû être rudement content de savoir que c'était pas vous l'assassin. Oui, ça lui plaisait. Oui, mais seulement d'un autre côté, il n'avait plus de coupable. Ah. Alors, comme dit le coq de deux choses une, où ils ont dit la vérité, il n'y a rien à faire, où il y en a un qui a menti. Et on ne sait pas quoi faire. Cher ami, repos, messieurs. Je voudrais vous dire deux mots. Madame la comtesse, je vous écoute. Mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi le brigadier n'est-il pas venu m'interroger ce matin? S'il a des preuves, qu'il les montre. On n'a pas le droit de laisser les gens vivre dans une angoisse pareille. Vous étiez coupable, vous ne parleriez pas autrement. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Heureusement que le coq n'est pas là pour vous entendre. Il vous a arrêté tout de suite. Oh, il n'est pas rentré de la nuit, j'étais sûre qu'il allait faire une fuite. Oh, ben, je le comprends, le pauvre gros. Il a pris trop de grosses choses en même temps, de quoi se semer un bonhomme. Il va essayer de m'oublier par tous les moyens. Et il y en a. Alors quoi, il n'y a personne? Bon, pardon, madame la comtesse. Bonjour, Ribérol. J'ai pas eu l'occasion de présenter mes condoléances à madame la comtesse. Je vous en dispense. Oh, bah tant mieux. Madame la comtesse a très bonne mine. Je vous dispense aussi de vos félicitations. Ah. Alors, il s'est passé quelque chose? Non. Ah, vous m'étonnez. J'adore vous étonner. Vous m'étonnez parce que je viens de rencontrer le coq à la mode Beuvron. À la mode Beuvron? Qu'est-ce qu'il fout à la mode Beuvron? Le coq pas rasé, hagard, qui emmorquait son cheval par la bride, un cheval qui avait l'air aussi crevé que lui. Son cheval avait l'air crevé? Oh, vous me faites plaisir! Pour la première fois de votre vie, mais vous me faites plaisir! C'est bien sans le vouloir! Oh, ben, il a dû enquêter toute la nuit! Ouais, probablement! Tout le monde ne peut pas tuer des lapins! Bon! Vous vouliez me raconter que le coq était à la mode Beuvron, voilà qui est fait! Mais vous aviez tout de même un prétexte pour entrer ici! Vous allez constater que c'était pas un prétexte! Voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? Le fusil de Monsieur Sébastien! Où l'avez-vous trouvé? C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Cranchard! Je dois dire que j'étais avec lui! Mais où l'avez-vous trouvé? Dans un fourré, près de Malgarde! Quelle heure était-il? 6h30! Non, remarquez que ce fusil ne vous apprendra rien! Il n'est pas bossé, c'est un fusil comme tous les fusils! Alors on se demande même pourquoi on s'est cru obligé de le cacher, c'est vraiment du luxe! N'est-ce pas? Continuez, je vous écoute. Non, mais j'irai plus loin. Même si on prouvait que ça a été l'instrument du crime, on n'aurait rien prouvé. J'en suis sûr, mais pourquoi? Mais parce que n'importe qui aurait pu le décrocher du râtelier. Il en 40 personnes par jour dans la grande salle du château. Enfin, on avait fait toute une histoire autour de ce fusil, paraît-il. On le retrouve, je le rapporte. Je vous remercie, car t'as eu pièce à conviction numéro 1. Oh, c'était Yal, celui qui... Enfin, l'individu qui a osé... On l'appelle X. Ah ben, X m'a ôté une rue d'épine du pied. Oui. J'ose à peine l'avouer devant madame la comtesse, mais je l'avais déclaré à Lecoq. J'étais prêt à faire un mauvais parti à monsieur le comte. Je vais lui faire péter la calebasse, qu'il disait. C'est qu'il ne faut pas toucher à ma Suzanne. J'ai bien prévenu tout le monde. Enfin, vous faites. Si, moi aussi, vous me... Je l'ai répété et re-répété. Le premier qui touche à ma femme ou qui essaie d'y toucher, je l'étendrai. Pourquoi me dites-vous ça? À moi? Oh, c'est pas vous que je le dis, madame la comtesse. Mais si vraiment j'apprenais que quelqu'un s'est permis. Ça, je le crèverais. Vous n'oseriez pas? Deux bonnes balles entre les deux yeux. Pour et pour! Oh, mais vous commencez à m'ennuyer. Vous, madame la comtesse? Vous ne crèverez rien du tout. Vous, je blanchis. Vous ne crèverez rien du tout. C'est à moi que vous aurez affaire. Mais pourquoi? Je ne me contenterai pas de jouer les croque-mitaines pour essayer de garder mon joujou, moi. Je vous crèverai aussi vrai que Dieu existe. C'est pourquoi? Et je n'attendrai pas que vous ayez commencé. Mais je comprends rien à ce que vous dites. Premier mot de travers, pan et pan. Vous m'avez vu à la chasse quand vous prépariez mes fusils. Vous devez savoir que je ne tire pas trop mal. J'aurais bien assez de place entre vos deux yeux. Oh, mais pardon, madame la comtesse. Ce que fait ou de ce qu'a fait votre femme. Vous feriez mieux d'essayer de la rendre heureuse. Elle va avoir besoin de vous. Comment ça? C'est votre seule chance. Profitez-en. Au lieu de vous promener dans les gendarmeries la menace à la bouche. Oh, ben ça alors. Attention, Ribérol. Je suis là, moi. Et je l'aime. Alors débrouillez-vous. Pardonnez si c'est nécessaire. Mais si je m'aperçois qu'il est en danger, vous êtes mort. À bientôt, cher ami. Vous Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Rien. Absolument rien. Oh, mais dis donc. N'allez pas maintenant. Vous imaginez des choses. Ça serait bête. Oh, mais dis donc. Mais pas du tout, voyons. Mais si, si. Je vais croire ça. Mais ça expliquerait tout. Mais ce serait trop simple. Enfin, Dieu. Mais c'est pas parce qu'une femme vous dit qu'elle va vous tuer qu'il faut vous faire des idées. Mais je comprends tout. Mais c'est de la conversation. Mais vous qui me disiez tout le temps attention, faites donc attention. Vous savez, on dit ça. Vous étiez au courant? Au courant de quoi? Mais tout est clair. Sébastien. Mais ne soyez pas bête, elle est jalouse. Vous savez ce que c'est qu'une femme jalouse. Justement non, Suzanne ne l'est pas et je commence à comprendre pourquoi. Allons bon. Ça se crèverait. Il aura sa main. Pan, et repan. Ah, ça c'est trop. Oh, et elle qui veut me prendre une matinade. Je suis Spider. Tiens, je la crèverai aussi. Je la crèverai. Pan, et pan. Eh ben, il s'en passe des choses. Ah oui, il s'en passe des choses. Que Guéritel parte tout de suite chez Ribérol. Viens, chef. Viens, madame. Ventre à terre. Qu'il crève son cheval, mais qu'il arrive là-bas avant le mari. Pourquoi faire? Pour que madame Ribérol n'avoue sous aucun prétexte. Ni par désespoir, ni par franchise, ni par fatigue. Qu'elle nie tout en bloc. Compris. Quel brigadier vous feriez? D'autant que si elle avouait, elle serait capable de la tuer. Vous voyez ça d'ici? J'entends le cheval de Guéritel, nous sommes sauvés. Sauf si Sébastien rencontre Ribérol. Ça y est, il l'a rencontré. Ma pauvre comtesse. Et alors? C'est le brigadier qui rentre. Mais le coup de feu. Je sais pas, il s'est foutu par terre avec son fusil. Il n'est pas blessé, non? Non, je ne suis pas blessé. Ça serait que justice. Cora, toi, tu as bu. Si ce n'était que ça, je te rapporte un homme déshonoré. Flétri. Ah, tu es flétri. Je suis déjà la risée de la meute Beuvon et ça ne fait que commencer. Qu'as-tu fait? Tout. Messieurs, vous avez devant vous la brebis galeuse de la maréchaussée. Oh, ne te vante pas. Hein. Ah, il est beau, le compagnon de la marjolaine. Dis, tu pourrais pas être un peu plus clair? Ma pauvre Cora, je ne serai plus jamais clair. Ceci dit, où diable avez-vous couché, chef? Oui. Je voudrais bien 4 jours si j'en étais digne. Qu'est-ce que j'ai fait? Seulement, je ne laisserai pas qu'on de messe me dégrader devant le fond des trous. Comme vous y allez, chef? Je ne mérite plus mes galons, je le sais. Je vais me dégrader moi-même. Oh, ça ne presse pas. Si, si, tout de suite. Oh non, chef, je veux pas voir ça. Messieurs, je rentre dans le rang. Vous avez devant vous le gendarme, le coq. Tu vas me faire le plaisir de remettre ta tunique immédiatement, non, galon non. Et tout. Non. Tu attendras qu'on te dégrade, comme tout le monde. Tu crois? Bah. Et maintenant, je t'écoute. Eh ben, je t'écoute. Tabarro, je crois qu'on nous a appelés. Non, j'ai pas entendu. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Car t'as eu à raison, on vous a appelé. Tu vois? La tête, voilà. Toi? Il y a trop de désordre partout. Moi, je croyais à des choses. À l'ordre. Puis je t'aimais trop. Je voulais comprendre, comprends-tu? Vous comprendre. Après tout, c'était une autre femme, comme toi. Une autre femme. À la mode Beuvron? Quelle fille de la forêt? La grande Charlotte. Non. Pélagie. Elle est venue s'asseoir en face de moi. J'avais autre chose en tête, tu le devines, alors je lui ai dit, je ne suis pas celui que vous croyez. Est-ce que tu as donc cru qu'elle croyait? Oh, ben. Et puis? Je ne veux pas te raconter mes histoires d'homme. Tu l'as suivi? Je lui ai donné l'argent du mois. Tout l'argent du mois? Tout l'argent du mois. Elles gagnent bien leur vie à la mode beuve. C'était pour expier. Elle va pouvoir prendre des vacances. Et puis je me suis enfui. Une question m'intéresse. Tu t'es enfui quand? Comment quand? Avant. Je ne répondrai pas. N'aie pas peur de me faire du mal avant. Tout de suite après. Oh! Ah! Tu as pu me faire une chose pareille. Pas tout de suite. Ah bon? J'ai lutté, tu penses bien. Je lui parlais de choses et d'autres. Oh, merci. Je crois même que je lui ai raconté mon voyage aux grottes de Bétaram. Oh! Tu es un homme facile! Non, voilà non. Ce que tu es. Non, je suis un violon dont on n'a pas assez joué. Oh, on ne me fait pas rigoler. Non, je ne suis pas un homme facile. Quand elle a porté la main sur mon uniforme, j'ai hurlé. Tu as hurlé? Je lui ai foutu une trouille terrible, en hurlant d'abord. En t'appelant au secours ensuite. Tu m'as appelé au secours? Sans m'en rendre compte. Elle m'a raconté après. Il paraît que je disais toujours tout bas, au secours, ma petite Cora, au secours, Cora, au secours, ma petite Cora. Oh, mon bonhomme. Je t'ai pas raconté le plus ridicule de tout. Il paraît aussi que j'ai appelé ma mère. La pauvre sainte mère? La pauvre sainte mère. Oh, c'était plutôt le moment d'appeler la mienne. Là, ça n'est pas venu à l'idée. Et Pélagie, elle, qu'est-ce qu'elle disait? Oh, ben, pas grand-chose, tu sais. Elle disait, oh oui, oui, oh oui, oh oui, oh ça oui, oh oui. Non. Elle m'a même proposé de me rendre mon argent. Elle disait qu'elle s'était encore plus amusée que moi. Et elle te l'a rendu? Non, j'ai refusé. Son vieux père est à l'hôpital. Oh, il est vrai que tu pourras bien à la justice. Je ne serai plus jamais regardé dans une glace. Je vais me dégrader moi-même. Oh, ne recommence pas. Tu es flétri, c'est entendu. Mais on ne te dégradera pas pour ça. Alors mon histoire ne t'énerve même pas? Encore sais-tu. Mais je ne peux pas arriver à en faire un drame. Tu as eu l'occasion de l'apprendre hier. J'étais flétrie avant toi. Ne parle plus jamais de ça, sous aucun prétexte, jamais. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Je te remercie de l'avoir oublié si vite, mais moi je ne peux pas. Tu devrais. Je ne sais pas comment on peut tenir à sa vertu quand on l'a retrouvée. Ah, à quel dis-tu? On en devient maniaque. Oh là là. Quand on a été ce que j'ai été, c'est drôle de devenir le trésor de quelqu'un, alors on préfère crever que de ne pas le rester. Bravo, c'est comme moi, ça. Moi, je voulais rester gendarme. Je savais ce que j'avais à faire. C'est important, ça. Et puis, il n'y avait jamais rien à comprendre, comprends-tu? Même, il ne fallait pas chercher à comprendre. Et moi, j'aimais ça. On a toujours aimé ça, on est gendarmes depuis 100 ans, depuis chez nous, les Lecoqs. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'aurais plus mon devoir. Bon, je te comprends. Je me suis mise à aimer ma soupière, moi aussi. T'as envoyé ta barre au fromage? Oui, t'inquiète pas, elle mijote. Ah ben non, je ne veux pas renoncer à ma soupe de 11h30. Moi, je veux rester gendarme, et même je veux rester brigadier. Ah, tu es simple, ma chère posante. C'est mieux que ma petite Cora, tu puisses me tirer de là. Je ne peux pas tout, moi. Je sais qu'il faudrait un miracle, mais tu vas le faire. Tu as tellement confiance en moi. Tu comprends tout, tu devines tout. C'est peut-être parce que tu as failli mourir. Ouais, peut-être. Si tu savais comme je t'admire. Dis, tu me le trouves, cet assassin, tu me le trouves, dis. Oui, j'ai ma petite idée. Qu'est-ce que c'est encore? Brigadier Rivérol! Il est mort! Il veut tuer Sébastien! Allons bon, bonne chose! Se cache-t-il, le lâche, le capon! Où est-il que je massacre? Où te crois-tu? Non! N'approche pas! J'espère pas m'échapper. Je ne dormirai que quand je l'aurai supprimé. Est-ce que tu te rends compte que tu es dans une gendarmerie? Je m'en fous bien. Sébastien me prend ma Cézanne, il me la prend pour toujours. Vous pensez peut-être que c'était pour la garder? Pas du tout. Dès qu'elle a été à lui, monsieur, on a voulu une autre. Et quelle autre? Mais celle-là paiera pour tout le monde. Sortez-vous là. Laissez-le, laissez-le, qu'elle me tue. Je le brigadier l'arrêterai, Sébastien sera tranquille. Tranquille, il en crèvera. Alors t'as fini de faire l'imbécile, non hein? Attention, le coq, je vais tirer. Je ne te le conseille pas. Quand on tue un gendarme dans une gendarmerie, on peut dire adieu aux circonstances atténuantes. Rends-moi le fusil. Je le retrouverai. Répète ça et je te fous en prison. T'en auras au moins pour 3 mois. Je le retrouverai en 3 mois. Ah, tu parles d'un massacre. Es-tu sûr d'avoir droit à l'article 324? Est-ce que Suzanne a avoué? Non. Bah alors? Je ne peux plus lui parler. Guéritaine ne la quitte pas d'une semelle. Paraît qu'il a des ordres. Des ordres? Tu te rappelles plus les ordres que tu donnes maintenant? Si. Pas plus que mon recteur. Qu'est-ce que tu racontes? Si vous alliez vous tromper encore une fois. Je comprends pas. Voyons, Rivérol, vous n'allez pas laisser condamner quelqu'un à votre place, vous qui êtes certain de l'acquittement avec l'article 324. Mais elle est folle, ta femme est folle. Si c'est ça ta petite idée. C'est vous qui avez décroché le fusil de Sébastien. C'est vous qui l'avez fait retrouver par Franchard. Elle exagère un peu, non? Il a raison, tu exagères. J'ai tout de suite trouvé bizarre vos explications inutiles. Mais ta femme peut consentir. Mais je le sais, allons, t'énerve pas. C'est égal, vous n'avez pas eu honte de frapper un homme à moitié mort. À moitié mort, il m'a foutu un coup de cravache. Vous venez d'avouer. Je viens d'avouer que je l'ai vu. Ça, c'est vrai, je l'ai vu. Voyons, Rivérol a beau mouvement. S'il vous a cravaché, votre situation est superbe. Vous serez acquitté avec félicitations. Avouez, Rivérol. Nous avons discuté, c'est tout. À coup de cravache de sa part, à coup de crosse de la vôtre. Nous avons discuté, c'est tout. En plaisantant, il m'a dit, j'ai jamais eu autant envie de votre femme que depuis que c'est dangereux. Et le coup de cravache? Fais la terre! Le coup de cravache, Rivérol, expliquez le coup de cravache. Avancer sur lui, peut-être qu'il a eu peur. Tiens. Mais c'est sa faute aussi. Il venait de me dire qu'elle était sa maîtresse. Et c'était pas vrai. Il disait ça pour cramer. Elle était celle de Sébastien. Et vous avez cru ce qu'il vous disait? Vous l'avez cru? Oui, oui. Et vous lui avez donné un coup de crosse sur la tête? Oui, oui, j'ai pas tué le bon. Je me suis trompé de frère. Oh, donne-moi une poignée. Tu es brigadier, tu es plus que jamais brigadier. Le miracle. Oh, mais je te demande pardon, mais si tu savais d'où tu viens de nous tirer, vraiment. À moi aussi. Je suis un bienfaiteur public. Quintel, Tabarro, vous emmènerez M. Rivérol au violon. C'est lui qui a tué le comte, légitime défense d'ailleurs. Fatigue pas, hein. Dans le temps, ça m'aurait embêté de laisser Suzanne seule, mais maintenant, un mois ou 20 ans, si tu savais comme je m'en fous. On va pas s'attendrir. Ne vous inquiétez pas, je vais lui arranger ça au meilleur compte. Un brigadier, enfin quoi, c'est quand même quelqu'un, non? Moi, je lui donne 3 mois au maximum. Tant mieux. Alors, monsieur le comte, à quand les fiançailles? Ah, tu as du tact, toi, la bonne heure. Tu ne comprends donc pas que dans leur situation, ils ne peuvent pas se fiancer tout de suite? En effet, nous ne sommes pas fiancés. Comme on dit au village, nous sommes promis. Tout est en ordre? Tu es là? Je suis là? Les galons sont là? J'aurais dû te rencontrer quand j'étais vierge. Il aurait fallu. Pour ça, il aurait fallu que je passe par la rue des Gravilliers. Je ne suis allé qu'une fois à Paris et je n'ai vu que le tombeau de Napoléon. Moi qui croyais avoir une vie plutôt mouvementée, il m'est arrivé plus de choses en 48 heures qu'en 20 ans. Tu me pardonnes? Et toi? Je t'attends. Toi, tu vas encore appeler ta mère. J'ai failli être si malheureux. Heureusement, on n'a pas eu le temps. Je suis heureux et je t'attends. Et la soupe à l'oignon? Elle attendra. Brigadier, vous avez raison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la pièce que nous avons eu le plaisir de vous proposer aujourd'hui et de Monsieur Marcel Achard de l'Académie française. Les décors sont de Roger Hart. La partition musicale est de Georges Vamparis. Le pianiste occasionnel était Georges Vamparis. La mise en scène est de Robert Manuel. Vous avez pu apprécier à leur juste valeur les comédiens suivants. Jacques Ramade. Corinne Lahaye. Sophie Knud. Monsieur Alain Fedeau de la Comédie Française. Ici, Alain Souchère, qui n'est pas encore de la Comédie Française. Mademoiselle Christiane Minazzoli. Moi, je suis le dernier pour faire simple. Mademoiselle Claudine Coster. Cette fois-ci, c'est Alain Fedeau de la Comédie Française. Mademoiselle Karine Balme. Monsieur Jacques Balutin. Et Jacques Fabry. Thank you.